regarde les infos de 20h à la télé le soir. Le speaker nous annonce encore un nouveau vendredi noir. Un avion s'est crashé, c'est bon pour la séquence émotion. Les images sont tournées en 3D pour plus de sensations. Des gens tombent sous les bombes devant moi. Toute la misère du monde, je la vois. Chaque jour, nouveau le quotidien de mauvaises nouvelles. Je me tiens au courant de l'actu en faisant la vaisselle. Des gens tombent sous les bombes devant moi. Toute la misère du monde, je la vois. Savoir qu'il y a plus malheureux que nous, ça rassure. Des gens tombent sous les bombes devant moi. Toute la misère du monde, je la vois. Heureusement, par moments, on nous glisse quelques bonnes nouvelles. Le soleil brillera cet été de Paris à Marseille. Des gens tombent sous les bombes devant moi.